les yeux, bel et cieux, envoler les nuages, les orages. Et si vous voulez y croire, je vous ferai vivre toutes mes histoires. La vie est magique, jusqu'à l'infini. Un brin d'espoir et l'envie d'y croire, c'est suffisant pour s'envoler. Allez, viens, laisse-toi tenter. La vie est magique. Je le sais que vos rêves.